mentale, qui est une revue qui a été faite à Cuba à partir de 1968 et qui a aussi été éditée en France à partir de 1968 par François Maspero. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 années où Maspero a retravaillé la revue. Et après, il a arrêté tout simplement parce qu'il a eu quelques procès et il a été condamné à une sentence de prison de 6 mois avec sursis, ce qui l'a quand même dissuadé de continuer l'impression de la revue. Cependant, et en fait, c'est une revue qui justement tentait de présenter dans un seul objet ces mouvements d'alliance, et dans lesquels on peut trouver des textes absolument, absolument fondateurs. On a des textes de Maria Nguabi, on a des textes de Agostino Neto, des textes de Mario de Andrade. Et en fait, c'est vraiment pour moi tout un jeu de solidarité et d'association qui reste encore à défricher, en fait. Parce que moi, c'est une revue qui est difficile à trouver et qui m'intéressait donc pour toutes ces alliances, qui sont les alliances, qui sont les non-alignés, en fait, tout simplement, puisque la revue tricontinentale se fait à la suite de la conférence tricontinentale à La Havane, et qui pose très clairement, en fait, mais des choses aussi simples que comment on lutte et comment on utilise le territoire pour organiser une forme de résistance. Donc on a d'un côté, par exemple, Agostino Neto qui parle de la situation très particulière de l'Angola, c'est-à-dire de comment la lutte va se revenir vers les villes, et on va avoir Amilcar Cabral qui parle de l'inverse, c'est-à-dire comment la lutte commence dans les villes et va ensuite plutôt se diriger vers les campagnes, en fait. Donc tous ces mouvements qui sont cruciaux, et notamment, j'imagine que vous en avez déjà parlé, avec la publication du Manifeste pour un troisième cinéma de Solana Cegeti, qui est publié, moi je l'ai pas ce numéro original cubain, mais moi j'ai la revue française, et voilà, donc on trouve des choses comme ça... Et pour moi, c'était une manière d'ouvrir, en fait, quelque chose de très précis, comme un film comme Monangambé, qui est très clairement, même si, c'est ce que je trouve très beau dans le film, il parle de la torture par ellipse, d'une autre manière. En même temps, on voit très bien la tête de Salazar. Et du coup, on sait très bien vers qui est dirigé ce film. Et donc il y a ce point très précis et qui va être ouvert, qui, pour moi, en fait, je désirais l'ouvrir avec une revue comme Tricontinentale. Et oui, présenter plus la circulation, justement, puisqu'il était beaucoup question de ça. Oui, en fait, dans votre présentation, vous avez parlé du fait que vous vous envisagiez comme protagoniste à l'intérieur de tout ça. J'aurais aimé vous entendre un petit peu plus sur ça, sur comment vous posiez votre propre position à l'intérieur de quelque chose qui... Je connais pas du tout ce cinéma-là, mais qui me paraît assez complexe dans le rapport où, de ce que j'en retire, il y a quand même une articulation entre des images ou un ensemble de documents qui sont issus d'un processus colonialiste, tels que les coupures de presse que vous évoquez, en même temps les films qui sont une production inverse d'images un petit peu, qui vont dans l'autre sens, et dans des rapports d'historiographie qui forcément aussi s'affrontent ainsi, où il y a une espèce d'histoire officielle avec une mémoire populaire, et comment là-dedans vous arriviez à envisager une place possible pour les articuler. Alors, en fait, il y a plusieurs questions là, je crois. Oui, c'est ça. Je vais m'arrêter peut-être à celle-là. En fait, moi, c'est là aussi. Après, je sais pas. Je n'étant pas historien de formation, moi, j'essaie de poser des questions. en fait. Et avec le diaporama, par exemple, enfin, préface à des fusils pour Bantin, justement, moi, ma question, c'est comment on arrive à réactiver certains processus et formels, parce qu'il est beaucoup question de forme, en fait, et politique. Donc, notamment, ces histoires d'alliances et de réseaux d'alliances, donc. Et après, moi, tout simplement, la réponse que j'ai donnée, mais là aussi, étant artiste, j'ai pas de réponse définitive. C'est que tout essaie justement de s'articuler. Quand je vous montrais les dessins, pour moi, c'est les gravures coloniales, c'était des images à désactiver dans un sens. C'est-à-dire, on va trouver un moyen de libérer le paysage de quelque chose et de le décharger. Et en revanche, pour des fusils pour Bantin, pour moi, il s'agit d'une histoire à réactiver. Donc pour moi, c'est des mouvements de balancier. C'est comment entre ces deux objets, ben, tout d'un coup, il y a peut-être quelque chose qui se crée. Et ce serait ma place, c'est trouver des... de mettre des objets, des formes, des images en relation, comme peut le faire... Comme c'est le travail du monteur, tout simplement. Et de voir comment ça... Qu'est-ce que ça produit. Et moi, j'ai jamais de... On va dire de but prédéfini. Dans le sens, j'ai pas de thèse ou j'ai pas de... J'essaie de circuler plutôt dans les histoires et dans ce que j'y découvre, en fait. Moi, pour moi, ma grande découverte de toute cette recherche, c'est vraiment Amilcar Cabral. Et de voir à quel point sa pensée et sa définition du peuple et sa façon d'entendre le peuple pour le coup, c'est une urgence de relire Cabral, en tout cas. Mais je pense notamment à des partis politiques comme le NPA ou ce genre de parti, quoi, qui n'arrivent pas à définir ce peuple, justement. Enfin, voilà, moi, je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais c'est comme ça que j'essaie de fonctionner. Donc, des découvertes, c'est des découvertes à chaque fois. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est découvrir une revue comme la Revue Tricontinentale, mais de découvrir aussi quelque chose comme Mozambique Révolution et de me plonger dans ça. J'adore voir le premier texte de Yasser Arafat. Enfin, ça me fascine. Et Mathieu, tu as aussi écrit le script, ou en tout cas, il y a certaines parties qui sont... Oui, enfin, en fait, tout est un travail d'écriture. Tout est un travail de réécriture, on va dire, ou de remontage. Et c'est pour ça que je disais, en fait, il y a trois voix donc, dans ce diaporama. Et il y a vraiment ces trois voix qui essayent de discuter entre elles, mais justement, elles ne parlent pas dans le même temps. C'est-à-dire que la militante, comme c'est beaucoup d'entretiens que j'ai réédités, la militante, elle parle au présent, elle est vraiment au présent de sa lutte, puisque les entretiens ont été faits en 1970 pour la plupart de ceux que j'ai récupérés. Et pour moi, c'était une manière justement de ne pas être dans un désaveu par rapport à ces mouvements-là. C'est-à-dire un désaveu qui est celui de notre génération, en fait, de jeunes trentenaires. Enfin, on a été éduqués avec cet échec-là, dans un sens. Et moi, c'est quelque chose qui m'insupporte, en fait, et qui très vite tourne au cynisme, en fait. Et pour moi, c'est une des choses que je voulais, avoir cette militante qui parle au présent, Sarah Maldoror qui parle au présent aussi, mais qui finalement nous parle du passé d'un tournage, et moi qui essaye de faire tenir ensemble tout ça. Moi, je me demandais... J'ai une petite question parce que j'ai vu les deux versions du diaporama, celle de Londres où en fait les trois voix étaient dites par un même acteur, une même personne, trois personnes, mais il n'y avait qu'une personne qui parlait, non, à Londres aussi. Ok, alors du coup quelle est la différence en fait, entre la version de Londres et la version qu'on voit en ce moment à Paris, où moi j'ai eu l'impression que c'était trois voix différentes alors qu'à Londres j'avais l'impression que c'était une seule. Donc. Peut-être tu peux juste revenir là-dessus, sur ces choix, et pourquoi aussi tu n'es pas toi, finalement, aussi, pourquoi c'est pas ta voix qui parle au moment, en fait, de ta voix, de ton écriture. Donc pourquoi tu n'as pas interviewer Sarah Maldoror pour qu'on entende sa voix aussi en voix off. Pourquoi cette mise à distance avec des acteurs? En fait, on a eu une discussion justement autour de ça avec... En fait, moi, c'était pour refroidir absolument l'objet. C'est-à-dire que je voulais justement mettre à distance, puisqu'il est question de ça aussi, et je voulais que ça travaille de ça, si tu veux. J'ai un problème avec le réel, en fait. J'ai un problème avec cette utilisation du réel directement comme d'une manière presque documentaire. Et je dis pas que... Si tu veux, moi, je voulais montrer qu'il y a une tentative de faire documentaire, mais en montrant toujours tous les fils et toute la construction de cet objet. Une manière de dire, ok, ça pourrait être vrai, mais comme il s'agit d'un film perdu, si tu veux, il y a aussi tout cette mise en route, quoi, mise en route de l'imaginaire, tout simplement. Et comme je le disais, moi, je trouve, enfin, dans les archives de Sarah, les négatifs, ils sont rangés, mais pas vraiment rangé, donc je sais pas ce qui vient avant quoi. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Et du coup, finalement, c'est déjà le début de la fiction, si tu veux. Et c'est une manière de... Pour moi, c'était une manière de rentrer de plein pied dans la fiction. Et en plus, il est question de ça, enfin, dans les entretiens avec Sarah, c'est qu'il est question de ce passage du documentaire à la fiction. Et de comment on fait rentrer de la fiction dans quelque chose qui est censé documenter juste une... un moment de ce processus de libération. Et la fiction ressort plus dans la version de Camtra Paris, mais peut-être que c'est moi qui... Non, mais oui, peut-être. Enfin, oui, les acteurs, les actrices sont un peu meilleurs. Donc du coup, ça marche un peu mieux. C'est juste... Mais je sais pas là si je réponds encore. Ouais, sinon c'est bon. Mais je tenais aussi vraiment à ce que ce soit des voix de femmes, parce que c'est aussi une des vraies singularités, si tu veux, des Afriques lusophones. C'est cette féminisation absolue, mais on pourrait dire ça aussi de ce qui s'est passé en Palestine, tu vois. Godard le montre pas mal là, dans Ici et ailleurs, la place de la femme dans le mouvement de libération. Et qui était, pour moi, c'était impossible de, enfin, si tu veux, il est question de ça. C'est une paysanne qui fait son éveil politique, tout simplement. Donc il fallait que ça soit les femmes qui soient des figures centrales et à tous les niveaux.